On avait dû le faire, pas de quoi être fier. J'suis pas ton frère, j'ai braqué, j'ai volé. On avait dû le faire, pas de quoi être fier. On vise pas les mollets, car là tu vas te voler. On avait dû le faire, pas de quoi être fier. J'suis pas ton frère, j'ai braqué, j'ai volé. On avait du flair, pas de quoi être fier. On vise pas les mollets, car là tu vas te voler. Je regarde derrière, ni regret ni peine. Tu peux me fumer, tes barres. Crochet du gauche à la Robin. Brasse mon jambe à la Neymar. On fera pas d'or avec un disque. Mourir debout, pas vivre à quatre pattes. Mon ami ça tire, un trait pour cinq chiffres. Ça m'a ligoté dans le coffre du 4-4. Vato, je ne sais pardonner. Des appels dans le Benz de la ruche. Tu veux qu'on se donne, on va se donner. Femme du gauche que tu perds dans la nuque. On a cravaché, ça c'est pas pour catcher. Ferme ta gueule, on va t'attacher. Tous les mêmes rêves, Panama Alger. Flingue sur la vitre, côté passager. Billet violet, dans la poche gauche. Dans la poche gauche, crodard dans le poche. Je vais trop vert, ton sourire t'es trop moche. Ton sourire t'es trop moche. Les ballons dans le Porsche. Toi t'es qu'une pute, mais ça pas la main. Les gens comprennent quand tu t'as passé fort. Ça touche le smic, ça part du palma. Mise des milliers au tabac des sports. On avait du flair, pas de quoi être fier. J'suis pas ton frère, j'ai braqué, j'ai volé. On avait du flair, pas de quoi être fier. On vise pas les mollets, car là j'vais te voler. On avait du flair, pas de quoi être fier. J'suis pas ton frère, j'ai braqué, j'ai volé. On avait du flair, pas de quoi être fier. On vise pas les mollets, car là j'vais te voler. Le respect ça se prend, ça se perd. C'est ce que je suis, pas l'écoute de te plaire. C'est ce que je veux, toi aussi dans l'affaire. Tu veux la guerre, Hamilton va te faire. On nage là où tu n'as pas pied. On a perdu, on a gagné. On a perdu, on a gagné. On n'a pas le PD, c'est là sous parquet. On te séquestre dans la salle des fêtes. Je lève mon verre à ta défaite. Les types détaillent les quêtes. Le pharmatique, la dernière refaite. Trop beau, trop con, en tellement de baisse. Mais faut être craint, détesté. Tout a un prix, même le respect. Bonhomme les tue, vas-tu le rester? Vas-tu le rester? Pas les coups du tour du monde. Qu'est-ce qu'il y aurait de différent là-bas? Leurs alertes, c'est le tarot de ma montre. J'suis en Espagne, frappe de Ketama. De la peuf de Panama Marcy. Fils de pute, tu veux tirer, vas-y. Fils de pute, tu veux tirer, vas-y. T'es qu'un homme de main comme Luca Brasi. On avait du flair, pas de quoi être fier. J'suis pas ton frère, j'ai braqué, j'ai volé. On avait du flair, pas de quoi être fier. On vise pas les mollets, car là j'vais te voler. On avait du flair, pas de quoi être fier. J'suis pas ton frère, j'ai braqué, j'ai volé. On avait du flair, pas de quoi être fier. On vise pas les mollets, car là j'vais te voler. Je les baisse à chaque couplet. Tu veux un feat, t'as du doublé. 4 ans bras plus, 200 tes max. La vie de ma mère, on va pas te louper. Pas les mêmes couilles, pas les mêmes buts. Mon gosse fumera, tiens à la kermesse. Serre pas la main, ta grand-mère la pute. 30 fois ton salaire dans le sac Hermès. Pas de quoi être fier, on avait du flair. On avait du flair. J'ai braqué, j'ai volé. J'suis pas ton frère, m'appelle pas frère. On vise pas les mollets, qu'à la sphère t'es volé. On est sorti du brouillard. Y'a du but pour tout voir. T'as l'argent, t'as le pouvoir. Si tu t'en sors, alléluia. On avait du flair, pas de quoi être fier. J'suis pas ton frère, j'ai braqué, j'ai volé. On avait du flair, pas de quoi être fier. On vise pas les mollets, car là j'vais te voler. On avait du flair, pas de quoi être fier. J'suis pas ton frère, j'ai braqué, j'ai volé. On avait du flair, pas de quoi être fier. On vise pas les mollets, car là j'vais te voler.